avant tout le monde. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, après les séries québécoises adaptées ailleurs, la série Les parents sera doublée pour la France. Dans le segment Geek, Cénix, un robot qui écrit comme une ado pour traquer les prédateurs sur Internet. Et dans C'est un fait, Tech Edition, quel est le premier article à avoir été vendu sur eBay? Indice, mon chat aurait pleuré en voyant ça. Tout ça et plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et voici votre animateur, celui qui avale plus de pilules que le docteur Mario, Mathieu Plante! Bonjour à vous, bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Gino Chouinard. Vous connaissez le dicton, un Mathieu Plante par jour éloigne le docteur pour toujours, alors c'est ma mission de remplir chaque jour de la grille horaire de ces fous jusqu'à ce qu'on doit inventer une nouvelle journée dans la semaine! J'ai pas besoin de vous dire que je suis reconnu mondialement pour mes chroniques, c'est un fait. Sex, mais ça devrait pas en King Sexy Time. Ces chroniques-là continuent dans l'assemblage requis à la plage tout l'été. Par contre, cet été, plusieurs de mes chroniques se sacrifient par manque de temps. Et c'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle émission. Chronique Geek CNX au segment télévisuel Television. Sans oublier, c'est un fait Tech Edition. On passe une heure ensemble sans chroniqueur. Et on sait, c'est plate de parler tout seul. Donc, avec moi, la belle, l'incroyable, la sublime Marie-Ève Picard. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Excellent, excellente semaine qu'on vient de passer. Et excellente semaine dans le monde geek. Ah oui. Donc, faut couvrir ça à un moment donné. Il faut, il faut. Si je le fais pas, qui va le faire? Je le sais bien pas. D'après moi, c'est peut-être un autre Mathieu Plante. Si seulement il y en avait plusieurs, hein? On dirait qu'il y en a plusieurs avec le nombre d'émissions que je fais. On dirait bien, mais non, ce n'est pas un clone, c'est bien lui. L'original, saveur originale. Et voilà. Donc, dans quelques instants, Marie-Ève va vous faire la chronique Television qui va commencer l'émission. Mais pour l'instant, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Je sais que c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toi. Non. C'est pas mais pour... Mais c'est pas grave, hein. Comme tu dis la semaine passée, on va s'amuser, on va écouter ça. On passe au travers, c'est certain. Donc, on débute avec une pièce qui vient d'un artiste, en fait, qui s'appelle La Fille de Fox. Et on va écouter la chanson de Sonic Show. Ooh. Cool! Chiptune, musique de jeux vidéo. Et après ça, Television. J'ai out. Moi, je suis sûr que tu te retiens plus. Viens, tout de suite! OK. Précipitons, OK. We'll be right back. C'était La Fille de Fox et The Sonic Show Theme. En fait, c'est une pièce qu'on peut télécharger gratuitement sur assemblagerequis.com, entre autres. Et c'était un remix qu'avait fait le gars La Fille de Fox pour une émission sur YouTube qui s'appelle The Sonic Show. Et puis, il avait oublié qu'il avait fait cette chanson-là. Il l'a postée sur chipmusic.org, qui est une de mes références préférées en termes de musique de jeux vidéo. Tu vas y aller tout de suite, j'en suis certain, Marie-Ève. Ah, tout de suite, je cours. Ta destination vacances. Ah oui, ben oui, c'est bien mieux que du soleil. Ah hein? Oh, oui. Donc, tiens, on commence le Mathieu Plante Show avec la première chronique de notre émission. Voici Television, Television. Television, Television, évidemment, la chronique qui parle de... Télé! Incroyable! À chaque fois, c'est comme si elle savait par cœur. Hey, je l'ai eu! Je l'ai eu! Est-ce que tu suis la série Les Parents? Non. J'ai déjà vu quelques petits épisodes, là, mais non, pas suivi. On sait que ça existe. Eh bien, dorénavant, les Français vont aussi savoir que ça existe. La série Les Parents va être diffusée sur la chaîne Gulli, une chaîne française destinée aux jeunes cet été. À compter du 8 juillet, l'émission sera présentée du lundi au vendredi à 19h20 dans sa version originale québécoise. Oh. Les acteurs ont toutefois dû doubler certaines scènes pour faciliter la compréhension des téléspectateurs français. La présidente de LP8 Media, la maison de production des parents, dit ils ont repris certaines expressions qui pouvaient être difficilement compréhensibles par l'auditoire français. Une adaptation polonaise des parents est présentée depuis 2011. Là, on parle d'une adaptation avec des acteurs polonais. Au Québec, la série revient à l'automne pour une 6e saison. Mais là, on parle d'une série québécoise avec des acteurs originaux, mais certaines scènes doublées par-dessus. Est-ce que ça peut avoir l'air vrai? C'est embêtant. Hein? Si c'est des bons acteurs, je crois bien que ça pourrait avoir l'air vrai, mais faudrait voir. Le doublage, à moins que ce soit fait par des vrais professionnels, d'habitude, ça a l'air fou. Un peu comme dans une publicité à la télé. Je sais pas si tu te rappelles les postes qu'on écoute en anglais, il y a une publicité pour des eaux au vent. Genre. Oui. Le Sunsetter. Oui. Puis là, il l'avait fait refaire parce que je crois que le prix était pas le bon. Le prix a changé avec le temps. Oui, c'est ça. Donc, ils ont redoublé sa voix. Et on voit sur YouTube les lèvres de très, très proche. Quelqu'un a zoomé dessus. Oui. Et ça a l'air tellement faux. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, attends un peu. Ça doit pas être vrai, là. Ça se peut pas. Ça doit dater des années 90, oui. Genre. Eh oui. Ça a l'air fou. Bref, donc on va voir. Pour les Français, ça pourrait être bien d'avoir au moins la facilité de compréhension des acteurs, parce que j'avoue qu'au Québec, des fois, ça peut être difficile à comprendre. Nouvelle de dernière heure, c'est arrivé aujourd'hui, pour ceux qui écoutent le dimanche, 14 juillet, l'acteur canadien Corey Monteith de la série Glee, celui qui joue Finn Hudson, est décédé samedi. Hier. C'est triste. Le chef intérimaire de la police de Vancouver dit que la cause du décès n'a pas été déterminée, mais qu'il ne semblait pas avoir eu d'acte criminel. Le jeune homme de 31 ans était seul au moment de sa mort. Son décès survient plus de 3 mois après qu'il ait confié au magazine People s'être volontairement présenté à un centre de désintox en mars. Les forces de l'ordre ont toutefois refusé de dire s'il y avait un lien entre ce séjour en désintox et la mort du comédien. L'acteur était arrivé au Fairmont Pacific Rim Hotel. Je sais pas si c'est une promotion pour le film Pacific Rim, son emprunt. Donc, le 6 juillet dernier, il devait repartir samedi. Lorsqu'il a manqué l'heure de départ, les employés de l'établissement se sont rendus à sa chambre et l'ont retrouvé mort. Les vidéos et les dossiers électroniques de l'hôtel montrent que Corey était revenu à sa chambre samedi matin et le coroner en chef de la Colombie-Britannique a indiqué qu'il était décédé depuis plusieurs heures. Le comédien est né à Calgary, il a grandi à Victoria et s'est joint à la distribution de Glee dès la première saison en 2009. Et puis, il fréquentait sa collègue, Lea Michele. Oh! Donc, triste. C'est vraiment très triste, là. 31 ans. Ouais, c'est jeune en plus, là. On entend parler de vedettes des sitcoms des années 70 qui meurent, tu sais. Oui. Mais tu sais, ça nous touche, c'est sûr, mais c'est pas pareil qu'un gars qu'on suivait. Mais pas autant, là, ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans la série? Je sais vraiment pas. Est-ce que tu crois qu'ils vont peut-être faire mourir son personnage? D'après moi, c'est ce qu'ils risquent de faire. Un peu comme ils ont fait dans Eight Simple Rules, quand John Ritter est mort. Oui, ça aussi. Tu t'en sers pour essayer de remonter les codes d'écoute d'une série qui en perd un peu. Ouais. C'est un petit peu opportuniste, mais... Ouais, mais en même temps, ils sont pas pour arrêter tout complètement. C'est triste, là, oui, mais faut pas tout arrêter parce qu'il manque quelqu'un. Là. Et c'est ce que la drogue fait. Vous savez. Vous savez maintenant. Don't do drug. Non, stay in school. Allons-y aux États-Unis maintenant avec... vous rappelez l'avion qui s'est écrasé la semaine passée? Ah oui. Ouais. Donc, une station de télévision de la région de San Francisco s'est excusée après avoir accolé de faux noms aux 4 pilotes se retrouvant à bord du vol 214 d'Asiana Airlines. Des faux noms? Des faux... Ben, c'est ça. Ça a l'air bizarre d'une même. Mais les 4 noms avancés étaient des jeux de mots sur des noms asiatiques. Oh! Donc, la co-animatrice de KTVU, Tori Campbell, a lu les noms aux connotations racistes en ondes vendredi passé. Le segment était accompagné d'un visuel affichant les faux noms aux côtés de photos de l'avion incendié. Donc, après la pause, Mme Campbell s'est excusée pour l'erreur avant d'affirmer qu'un responsable du Conseil national de sécurité des transports avait confirmé les noms à la station. La vidéo de la gaffe s'est répandue en ligne vendredi. Donc, on parle de noms comme « something wrong ». Genre, quelque chose ne va pas, something's wrong. Ou encore, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, too low, on est trop bas. Oh, oui, too low. Tu sais, ils ont diffusé ça en ondes, ça a fait le tour. Ben voyons donc. C'est ridicule que quelqu'un n'ait pas compris l'aspect phonétique de la lecture de ces noms. Ben voyons donc. Ben non, c'est clair qu'ils l'ont compris, puis ils se sont dit, hey, ça va nous donner des codes d'écoute, puis mais ça va nuire à sa crédibilité à cette station-là. Ouais, mais comme dit le vieux dicton, hein, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Pas tout à fait sûr de ça. Je suis pas très d'accord avec ça. On prend-tu des paris? Ah ouais. Donc, la station s'est excusée. Ils ont affirmé qu'un stagiaire avait. Un stagiaire du NTSB, là, dont on parlait tantôt. C'est un stagiaire qui leur avait donné ces informations-là ou avait confirmé les informations sans trop savoir. Il a agi alors qu'il n'aurait pas dû agir dans ces circonstances-là. Il est allé au-delà de son de son mandat, si on veut. C'est ce qui arrive. Eh oui. Est-ce que tu as entendu parler de Sharknado? Sharknado. C'est un film avec des requins et une tornade. Oh. C'est sur la chaîne Sci-Fi. Des films de série B, Sci-Fi en fait à toutes les années. C'est très à la mode de ces temps-ci. Donc ça a fessé les médias sociaux de plein fouet cette semaine, alors qu'une tempête sanglante remplie de requins mangeurs de chair tombait de Los Angeles dans le film. Sharknado est présenté par la compagnie The Asylum, la même boîte qui a fait Dino Shark, dinosaure requin. Okay? Sharktopus, c'était pieuvre requin. Et Mega Shark versus Crocosaurus. C'est génial. Oh. Le film bénéficie également de la présence de Tara Reid d'American Pie et Ian Ziering, je pense qu'il faut dire Ian Ziering. Ian Ziering, oui. De Beverly Hills et les experts Manhattan. Ouais. Beau gâche. Combinant une absurde prémisse, un titre ridicule, les effets spéciaux en carton et une liste d'acteurs inconnu avec un jeu épouvantable. Ça a fait de ce film une tempête parfaite pour envahir Twitter et Facebook. Ça arrête plus. Le hashtag Sharknado a eu des millions et des millions de personnes. Par contre, j'ai lu un autre article là-dessus qui disait que les codes d'écoute n'avaient pas été si bonnes que ça. Ah non? Mais ils vont le répéter dans les prochains jours, le passer en reprise pour essayer de... C'est pas parce que t'es sur les réseaux sociaux partout que tu vas... Que ça va nécessairement marcher, ouais. Malheureusement. Mais c'est sûr qu'il faut se taper la série de ces films de série B, là. Ah oui, ça doit être ben trop drôle, là. Dans le sens tellement mauvais que ça en est. Oh oui, c'est ça. J'imagine que t'es parmi ces gens qui font partie des gens qui regardent moins la télé qu'avant, mettons. Oui, mettons. Mettons, et moi aussi. Les Canadiens, apparemment, sont comme nous et délaissent la télé conventionnelle. Mm. 16% des citoyens canadiens et adultes disent ne plus regarder la télévision conventionnelle pour favoriser plutôt le visionnement d'émissions en ligne, selon un sondage de Comscore. L'étude commandée par Google permet aussi d'apprendre que 45% des répondants affirment regarder à la fois la télévision traditionnelle et des émissions sur Internet. Seulement 35% des Canadiens ne regarderaient que la télé conventionnelle. Et 4% des citoyens disent ne pas du tout regarder la télé, d'une façon ou d'une autre. Les jeunes répondant au sondage sont plus enclins à ne pas consommer d'émissions devant le téléviseur. Au sein de la tranche d'âge des 18-24 ans, il y a d'année en année de plus en plus de personnes qui regardent tout simplement plus la télé. Questionnés sur leurs habitudes de consommation d'émissions pour la prochaine année, 19% des répondants croient qu'ils visionneront davantage d'émissions sur le net, alors que seulement 6% croient passer davantage de temps devant leur télé. Les adeptes de télévision traditionnelle disent apprécier la qualité de l'image de cette technologie, l'expérience d'écoute ainsi que la facilité d'accès aux émissions. Au contraire, les adeptes de l'Internet disent que leur consommation de vidéos en ligne est plus pratique et moins coûteuse. Ah, ben c'est certain, là. Puis, de toute façon, c'est comprenable, là. Il n'y a plus grand monde, là, qui a le temps, là, sauf si tu es à la retraite, par exemple, oui, ou que tu n'as pas d'emploi, de t'asseoir à chaque semaine, chaque jour, chaque heure, devant tel poste. J'appelle ça être esclave. Ben oui, c'est tout à fait ça, là. On est déjà esclave des chiens. Dans la vie, est-ce qu'on veut ne pas l'être avec la télé? Exact. Surtout une quotidienne, une émission d'une heure. Oui, hey, c'est impensable. Tu perds le tiers de la valeur de l'émission en publicité, genre. En le plus. Quart ou le tiers. Là. Mettons, tu écoutes une émission d'une heure, c'est genre 40 minutes. Là, tu perds 20 minutes de ton temps. Oui. Moi, je comprends pas ça. Et si tu veux te taper une saison au complet, il va falloir que tu attendes à peu près la durée d'une année pour réussir à te taper ces épisodes-là parce que ça saute des semaines ou c'est des reprises. Oui. Non, donc pas de bonne chose. Internet coûte beaucoup moins cher. Évidemment, c'est sûr qu'il y en a qui vont pirater leurs émissions. C'est pas ce qu'on recommande. Peut-être que Netflix ou d'autres services comme ça. Oui, oui. Ils sont là pour ça. iTunes. Oui, aussi, tout à fait. D'ailleurs, parlons-en d'iTunes. Non, on en parlera plus tard. C'est dans la chronique CNX que je vous ai préparé ça pendant la télévision. Un petit teaser. Je mélange mes chroniques. Oh non. Mais on parlera d'iTunes tantôt et de ce qui se passe avec la haute définition là-dessus. Maintenant, si on reste sur le web, Trailer Park Boys, une série populaire quand même au Canada, aura une nouvelle vie sur le web. Ricky, Julian et Bubbles seront de retour pour une autre saison, mais cette fois sur Internet. Les vedettes de Trailer Park Boys, Rob Wells, John Paul Tremblay et Mike Smith ont indiqué avoir acquis les droits de la comédie canadienne de la part des producteurs de la série originale. Donc, c'était eux qui étaient les vedettes. Ils ont racheté les droits de leur propre série. C'est rare qu'on voit ça? Oui, et même, je sais pas si c'est déjà arrivé. Je sais pas. Je pense que c'est... En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Ils ont commencé la pré-production d'une 8e saison de la série satirique qui sera disponible sur une nouvelle chaîne web qui s'appelle SwearNet.com. L'acquisition n'inclut pas le 3e film récemment finalisé de la franchise parce que la série à la télé a engendré 2 films qui faisaient partie du même environnement, de la même compagnie. Et le 3e s'en vient bientôt, qui est Trailer Park Boys 3 Don't Legalize It. Et ça fera pas partie ça leur appartient pas finalement. Mike Clattenburg, Barry Dunn et Mike Volpe étaient les producteurs originaux de l'émission culte ayant pris fin en 2008. Ils disent pour leur part avoir gravité vers d'autres projets à la télé et au cinéma et ajoutent que les 3 comparses qui ont acheté les droits sont les seuls à avoir la connaissance approfondie et l'amour de l'émission pour maintenir en santé Trailer Park Boys. Donc, dans le fond, ils leur donnent leur approbation et leur lèguent. C'est cool. C'est vraiment très cool. Comme s'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Avec. Ben oui, crème. Ben, ils connaissent déjà leur personnage pas mal à fond. Hein, c'est ça. Je suis pas mal certaine qu'ils vont être capables de donner des histoires. Ça va être... À voir. Je sais pas si c'est eux qui écrivaient l'émission, donc on va falloir voir si l'écriture est aussi bonne que dans l'original. Oui. Okay. D'habitude, c'est bien beau les personnages, là, c'est bien beau leur personnalité, mais les textes comptent aussi pas mal. On écoute depuis quelques années, en fait, on s'est tapé les 3 premières saisons de Arrested Development. Oui! C'est vraiment très bon. C'est excellent. On sait que la 4e a eu lieu sur Netflix récemment, au mois de mai, tout d'un coup sur Netflix. Oui. Et là, apparemment qu'une 5e saison s'en viendrait. La plateforme américaine Netflix envisage d'apporter une 5e saison à la comédie Arrested Development, qu'elle a ressuscité en mai dernier. A avoué le producteur Brian Grazer. Netflix ne s'arrêterait pas à 4. La structure devenue un acteur majeur dans l'industrie des séries aimerait apporter une saison supplémentaire à Arrested Development et y travaillerait avec les producteurs, dont Brian Grazer. Les 5 nouveaux épisodes à disposition des abonnés depuis le 26 mai ont connu un succès retentissant sur la plateforme, plus important que la série politique et très réputée House of Cards de Kevin Spacey. Quand même, mon Dieu, ça veut dire que ça marche vraiment beaucoup. Plus qu'on pensait, je crois. Ben oui. C'est une belle surprise. Très, très heureux. Je me demande, c'est que Netflix donne pas les vrais codes d'écoute. Là. Je sais pas pourquoi, mais ils veulent pas donner les vrais codes d'écoute. Mais en tout cas, au moins, si on a une échelle de quel est a plus de succès que l'autre. Ben oui, c'est ça, ça donne une idée. Là. Voilà, donc réunir à nouveau la famille Bluth ne va pas être chose facile. Par contre, pour la 4e saison, le créateur Mitch Hurwitz avait déjà dû user de pirouettes scénaristiques car il était impossible de réunir l'ensemble des acteurs en même temps. Il avait décidé de centrer chaque épisode sur un membre du clan différent. Et après ça, il a un petit peu révisé. C'était supposé être seulement un épisode sur un des personnages. Oui, OK. Mais finalement, il y avait des scènes avec plusieurs personnages, puis ça rebondissait dans le temps, c'était un petit peu compliqué à suivre. Sauf qu'ils n'ont jamais pu avoir, ou presque jamais, quelquefois, pu rassembler tout le monde sur le même plateau. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé les scènes avec des écrans verts. Et certains acteurs ne sont pas physiquement là, mais réagissent à ce qu'ils ont filmé. C'est une bonne idée. Oui, très bonne idée. Je n'ai pas encore vu la saison 4. Mais certains disent que ça paraît, mais t'sais, c'est parce que quand tu sais qu'il y a un écran vert, tu cherches l'écran vert. Oui, exactement. Si tu ne sais pas, je me demande si ça paraît. Et te connaissant, probablement que tu vas le voir. Monsieur, je cherche la bébite partout. Tellement. On écoute de soupe, l'émission genre de commentaires sur la pop culture un petit peu. Et je remarque quand l'éclairage n'est pas pareil. C'est filmé sur un écran vert à toutes les semaines. Oui. Mais des fois, ils filment dans une autre ville. Et donc, l'éclairage n'est pas pareil parce qu'ils servent de l'éclairage local du studio qu'ils utilisent. Et je le remarque. Ça m'énerve. Ouais. J'aimerais mieux ne pas remarquer ces choses-là. Ben, moi, je le remarque pas tellement. Fait que je suis quand même contente parce que au moins, ça me dérange pas. Ouais. Mais... Puis t'es impressionné que je le remarque, évidemment. On recule encore en arrière à une autre série qu'on a regardée ensemble. Saved by the Bell, Sauvé par le Gong. Oui! Avec, entre autres, Mark Paul Gosselaar. Et qui d'autre? C'est qui la fille? Ah, mon Dieu! En tout cas, bref. Une série très, très, très, très typiquement américaine et très, très connue chez les adolescents américains de l'époque des années 80. Donc, ça va revenir en forme de bande dessinée. Même chose pour Knight Rider, dont on a parlé la semaine passée, K2000. Oui. Et Punky Brewster, qui est un petit peu moins connu au Québec, mais quand même. K2000, je pense que tout le monde connaît ça pour les personnes qui sont d'un certain âge. La nostalgie des années 80 et 90 n'a pas de frontières. Et donc, une compagnie, en fait, va produire des spin-offs, des dérivés en bande dessinée de plusieurs émissions classiques de NBC. Saved by the Bell, Punky Brewster, Airwolf, Knight Rider et Miami Vice. Wow! Miami Vice avec les beaux habits pastels. Hey, ça va être vraiment cool. Ah, et ça va être beau. Hey, j'imagine. Les dessins sont vraiment écœurants. Et Punky Brewster, qui était joué à l'époque par Soleil Moon Frye, qu'on la connaît pour Sabrina l'apprentie sorcière. Oui, ben oui. Une des amies de Sabrina, pas Sabrina elle-même. Non, non. Et en bande dessinée, elle fait une jolie petite fille et c'est vraiment cute comme dessin. Ça va être populaire, je pense. Donc, la compagnie s'appelle Lion Forge Comics. Ils vont sortir ces livres-là dans le troisième et le quatrième quart de cette année. Ils annoncent l'acquisition des droits via un marché, une entente avec NBC Universal. Et les livres vont être disponibles sur Kindle, sur le iBook Store d'Apple, sur la Nook et la Kobook, donc les petites les liseuses électroniques, les petits véhicules. Vraiment cool. On dit que Lionforge a de l'expérience déjà avec... l'écriture de ce genre de bande dessinée-là. Il y a entre autres Joel Selner qui a travaillé sur Teen Titans et I Puffy AmiYumi et Jason Johnson qui a travaillé chez Wetworks et Godstorm. Allons voir des vedettes de notre enfance comme les personnages de Saved by the Bell, disons. Ça va être un petit peu bizarre, mais différent. J'ai bien hâte de voir. Ouais, ben là, est-ce qu'on peut les voir un petit peu? Est-ce qu'il y a des essais qui sont montrés? C'est vraiment juste des croquis? Pas du tout? Ça ressemble au dessin final, d'après moi, parce que c'est vraiment, c'est pas des traits de crayon, c'est vraiment numérisé, c'est des vrais beaux dessins. Je les ai postés sur assemblagerequis.com. Je sais pas si ça va être exactement comme ça dans la bande dessinée. Est-ce que ça va être en couleur ou en noir et blanc? Ouais. C'est des questions que je me pose. J'imagine que sur le Kindle, la plupart des versions du Kindle sont en noir et blanc. Oui. Donc, j'imagine qu'on perdrait la couleur là-dessus. Peut-être que sur les appareils Apple, peut-être que ça... Je sais pas, peut-être que... on va voir. Ouais. Moi, je suis pas vraiment plus présumé que ça. Allons-y avec les codes d'écoute de la semaine du 1er au 7 juillet 2013. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, donc remettons-nous un petit peu là-dedans. On va faire le top 15 à 6 en rafale. Donc, dimanche à Hollywood, aucune idée ce que c'est. Là, on parle du Québec, évidemment. Le TVA Nouvelle est en 13e et 14e. Film de filles. L'épicerie, une minute pour gagner, les gags full ado, les galas du Grand Rire 2012, Esprit criminel et le gala du 30e juste pour rire. En 5e, c'est TVA Nouvelle à TVA. En 4e, Sucré salé à TVA. En 3e, Vengeance de Radio-Canada, c'est une série américaine traduite. En 2e, Route Fortune chez vous à TVA. Et la première position, c'est Les Chefs, donc une série au moins canadienne-québécoise faite ici avec 816 000 téléspectateurs. C'est vraiment pas tant que ça, mais c'est l'été, on s'entend que les codes d'écoute sont plus basses. Ouais, c'est ça, c'est normal. Hein? Moi, ce que je comprends pas dans le top 15, c'est une minute pour gagner à TVA. Je me suis toujours posé la question pourquoi on n'adapte pas ce concept-là à la place de juste prendre la version américaine et la doubler. Hey, on pourrait tellement, là. Ça coûte rien. Ben non, c'est des cannes de liqueur, une paille. Ben, exact. Quand? C'est pas facile, là. Ils ont juste à... ils peuvent copier même là, déjà là, les ce qu'ils font comme défi. C'est littéralement, ça le dit dans l'émission, c'est des défis qu'on peut faire à la maison. Exact. Puis même, ils se pratiquent à la maison parce qu'ils sont postés, alors ils peuvent les regarder puis les faire. Mais on adapte le banquier avec ouvrir des valises. Exactement. Moi, ça me met à terre, je ne comprends pas. Ah non, c'est ça. T'as juste à trouver un animateur, là, puis c'est top, là. T'as juste à prendre le même animateur que toutes tes maudites émissions à TVA. Oh, t'es même. Charles Lafortune, il est libre, je suis sûr. Il fait la voix. Il peut faire deux émissions en même temps. Hein? Non? Allons-y avec les émissions canadiennes. Maintenant, dans le top 10, Big Brother 15. Oui! The Big Bang Theory, America's Got Talent, les nouvelles du soir sur CTV, NCIS et Big Brother 15 du dimanche. En quatrième, c'est le Big Brother du mercredi. En troisième, Big Bang Theory. Deuxième, les nouvelles de CTV. Et en première, Under the Dome, la nouvelle série basée sur les livres de Stephen King. Stéphane Leroy. Oui. Stéphane Leroy. Donc voilà pour les cotes d'écoute. Maintenant, côté talk show, si on regarde la semaine à venir, nous sommes le dimanche en ce moment, donc commençons avec demain. Bruce Willis, ce sera à David Letterman. Ensuite, mardi, Brian Williams. Mercredi, pas grand-chose. Passons à Jay Leno maintenant. Une de mes vedettes préférées, la vedette de Chuck, Zachary Levi, sera mardi à l'émission de Jay Leno. Jane Lynch, qui joue dans Glee et qui anime une nouvelle émission, Hollywood Game Night. Oui, hey, ça a l'air vraiment bon. Là. Jeu télévisé mettant en vedette des vedettes des de la télé. Oui. Comme un jeu télé avec des vedettes de la télé, c'est cool. Donc ensuite de ça, c'est mercredi en passant à Jay Leno. Jeudi, Anthony Hopkins. Jimmy Kimmel Live, Mary Louise Parker, qui jouait dans Weeds, sera là jeudi, je pense qu'elle joue encore là-dedans. À Craig Ferguson, Julie Chen, l'animatrice de Big Brother, sera là demain lundi. Oh là là! Et John Hamm, Jean le Jambon, la vedette de Mad Men, mardi. Et Jeffrey Tambor, vedette de Arrested Development, sera là jeudi. Voilà pour un cool talk show. Sinon, Jimmy Fallon, Bruce Willis sera là aussi. Catherine Zeta-Jones, Ryan Reynolds, et Kristen Wiig de Saturday Night. Oh! Hey, il va y avoir du beau monde. Pas pire cette semaine. Oui. Je sais pas, l'été, les vedettes sortent. Ben, faut bien, hein? Faut bien. Donc voilà pour la chronique Télévision. Dans quelques minutes, on fera CNX. Mais pour l'instant, on retourne entendre encore un peu de chiptune. Et j'ai trouvé, en fait, une chanson que vous allez peut-être reconnaître. En fait, je devrais peut-être juste la faire jouer. Ouais, fais-la jouer, puis ouais. Après ça, je te dirai si je la reconnais. OK, je pense que même toi, c'est un petit peu condescendant. Même toi, tu vas peut-être connaître cette chanson-là, donc la voici tout de suite. Vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou. T'as deviné c'est quelle chanson t'aimes? Malheureusement, non. X-Files, aux frontières du réel. Oh, David Duchovny, oui. Mulder Scully. Oui, à ça que tu me le dis, oui. C'est très bon. C'était par l'artiste, attention, Peter Anderson, cover de la chanson de Mark Snow, aux frontières du réel. Au retour, CNX pour l'instant, ceci. Les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Bonjour Mathieu Plante Show avec Marie-Ève Picard. Bonjour. Et moi-même Mathieu Plante, on passe encore une demi-heure ensemble. Oui. À parler de choses geeks surtout, je dirais, c'est pas mal le domaine qu'on creuse. Pas mal. Un peu comme notre ventre nous creuse l'appétit. Oh. Pas drôle, peu importe. On est rendu à parler de technologie hardcore totale. Plus de niaiserie mainstream comme la télé, hein, tout le monde connaît ça. Voici CNX. CNX.com. Dash.com. Bravo pour ta voix dans cette intro-là. Ah, mais merci. Live à chaque fois. Ben oui, c'est sûr. Pratique un peu avant. Ben oui. Tu l'as comme... Pareil à chaque semaine. Une vraie pro, pareil. Pareil. Un peu comme moi quand j'enregistre une pub, c'est fou. Je l'ai beau la taper, l'enregistrer 45 fois. C'est pas mal tout le temps pareil. Donc, les nouvelles geeks dans CNX. Commençons avec Facebook qui s'installe à Montréal. Après Vancouver et Toronto, Facebook a ouvert un troisième bureau mercredi dernier au Canada en s'installant à Montréal avec une équipe qui compte deux personnes pour l'instant, ça part de grand chose. Il s'agirait essentiellement d'une équipe de marketing dirigée par Sylvain Martel, ancien de chez Cossette Communication, de Marketel et de Mediacom Canada. Il sera accompagné de Damien Duprat qui vient des bureaux de Facebook en France. Un peu comme chez Bulk Barn, tous les employés parlent en anglais parce qu'ils viennent de Maison-Mère pour les aider. Ben oui. Toronto et Vancouver, dont les bureaux comptent respectivement 50 et 150 employés. Donc, on peut peut-être s'attendre à ce que ça augmente jusque-là. Ah un oui, jour. D'après moi, ça va augmenter un peu plus. Rapidement, sûrement. Facebook Canada qui n'exclut pas de nouvelles embauches en fonction de l'augmentation de la demande des partenaires et du milieu. Et voilà. Les nouveaux bureaux de Facebook sur la rue University à Montréal encourageront les marques et les agences qui désirent développer des stratégies complètes pour engager des conversations avec les internautes québécois. C'est du beau blabla de marketing. Ils vont faire de la pub, ils vont vendre de la pub, j'imagine. Pas mal ça qu'ils vont faire pour l'instant. C'est bien plus compréhensible quand tu le dis de même. Il me semble ça a l'air à ça. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. Maintenant, un service spécial russe revient à la machine à écrire. Oui, après les révélations de l'informaticien américain Edward Snowden, on entend parler de lui partout en ce moment. L'un des services spéciaux russes a décidé d'acheter des machines à écrire, des dactylos pour taper des documents secrets, selon le quotidien russe Izvestia. Le FSO, le Service fédéral de protection, issu de l'ancien KGB, a lancé un appel d'offres pour l'achat de 20 machines à écrire. Cette décision a été prise après les scandales de WikiLeaks. Il a été décidé d'utiliser davantage de documents papier. Du point de vue de la sécurité, toutes sortes de télécommunications électroniques est vulnérable et on peut capter n'importe quelle information depuis un ordinateur. Donc, c'est sûr que si vous voulez protéger vos informations, il ne faut pas les taper sur un ordinateur parce que pas mal n'importe qui peut finir par trouver ce que vous faites. Parlons de Google maintenant qui élimine une faille qui affecte 99% des appareils Android. 99%, ça fait Windows comme façon de voir les choses. Une vulnérabilité dans la façon dont la cryptographie des applications mobiles est vérifiée par le système d'exploitation permet à ce qu'un code malveillant soit intégré à un fichier d'installation. La faille permet essentiellement de transformer le fichier d'installation de n'importe quelle application officielle en cheval de Troie. Une fois l'installation d'une application comportant un code malveillant terminé, celle-ci peut alors corrompre les données de votre téléphone ou communiquer avec un serveur externe afin de transmettre de l'information confidentielle. C'est compliqué comme sujet. Google a annoncé qu'un correctif a été transmis aux fabricants d'appareils Android afin que ceux-ci puissent corriger la situation auprès de leurs consommateurs. Selon Google, Samsung aurait déjà distribué la mise à jour auprès des propriétaires de Galaxy S4. Ce qui est ce que je me pose comme question, et connaissant pas ces sujets, c'est un petit peu difficile d'y répondre. Vas-y. Moi, je vais essayer. C'est que je sais que les téléphones qui sont des téléphones genre de la ligne principale de Google, c'est-à-dire les téléphones vraiment de marque Google Nexus ou des trucs comme ça, sont mis à jour plus rapidement parce que c'est la racine même d'Android. Alors que les téléphones qui ont une couche par-dessus, donc mettons les HTC, eux, les mises à jour viennent moins fréquemment. Donc je me demande si ça va être patché pour tout le monde ou si est-ce que dépendant du fournisseur de téléphone que tu as ou dépendant de la compagnie de ton téléphone, tu sais, est-ce que tu vas être en retard? Ouais, c'est une bonne question. J'espère qu'ils vont patcher pour tout le monde parce que 99% des gens. Hey, c'est beaucoup, là. Des gens qui ont Android sont vulnérables. En tout cas, rien n'indique que les applications provenant de Google Play ou d'autres bibliothèques d'applications de ses partenaires n'aient comporté du code malveillant. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'à moins d'avoir installé une application provenant d'un autre endroit que Google Play, vous n'êtes pas à risque. Ah, donc, okay. Si vous allez juste télécharger des applications sur Google Play, et on apprenait la semaine passée que 30% des gens qui ont un téléphone Android, ou je pense que c'était un téléphone intelligent en général, n'ont jamais de toute façon téléchargé d'application. Ah ouais? Oui, étrange, mais vrai. Ben oui, ouais, c'est étrange. Tu sais, tu te sens juste de ta calculatrice, de ton bloc-notes, mais rien d'autre. Ouais. Il y a des gens qui achètent des téléphones à 0$, qui sont peut-être un petit peu au-dessus d'un certain âge, qui savent pas comment télécharger, ou qui veulent pas mettre leur carte de crédit dans leur compte. Ouais. En tout cas. Parlons d'Amazon maintenant. Amazon qui se lance dans l'édition de bande dessinée numérique. On parlait de bande dessinée dans Television tantôt, donc ça fait un petit lien. Amazon continue de renforcer sa division édition. Le cybermarchand vient d'annoncer le lancement de sa branche comics destinée à éditer et vendre au format numérique sur sa plateforme des bandes dessinées. Jet City Comics est la nouvelle arme d'Amazon pour concurrencer les éditeurs traditionnels. Après s'être attaqué à la publication de romans, ce sont désormais les bandes dessinées et les romans graphiques que le géant du commerce se compte proposer via sa branche Amazon Publishing. George R.R. Martin est dans la liste des auteurs impliqués. C'est celui qui a écrit les Game of Thrones. Donc, un grand auteur. Pour l'instant, seule une bande dessinée est proposée aux acheteurs au format numérique. C'est Symposium, une histoire tirée de l'univers de l'auteur de science-fiction Neal Stephenson. Cette première bande dessinée publiée au format numérique par Amazon est disponible partout dans le monde où les possesseurs d'une tablette ou d'une liseuse Kindle peuvent l'acquérir en anglais pour, c'est en dessous de 5$, là, ça dit 2,5€, je sais pas trop combien ça donne, mais en tout cas. Donc c'est un petit fascicule, ça c'est fasticule. C'est quand un fascicule est fastidieux. Là, ça, oui, fasticule. C'est ça. Ou c'est quand j'articule, je fasticule. Donc ça va être une trentaine de pages environ, c'est des petites bandes dessinées bien simples. Passons à Apple. Un avocat a mis en place un recours collectif à l'encontre d'Apple en expliquant que la firme de Cupertino proposait des contenus vidéo en version HD auprès des premiers iPhones qui ne sont pas compatibles avec l'HD. Hein? Le soin, c'est un peu bizarre de la part d'Apple. Le site Courthouse News Service a récemment découvert une plainte déposée par l'avocat Scott Weiselberg devant la Cour fédérale de San Francisco. L'homme pointe les pratiques commerciales d'Apple en expliquant que la firme de Cupertino avait mis à l'avance son option de lecture HD à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Donc, on explique qu'après avoir loué un film depuis le catalogue d'iTunes, on payait 1$ de plus pour avoir la qualité en haute définition. Sauf que si ton téléphone n'était pas compatible ou ton iPad ou ton peu importe l'iPod classique, mettons, il te laissait quand même télécharger la version HD. Et donc, tu pouvais pas la regarder en HD. Ben voyons donc! Tu sais, j'imagine que comment Apple s'en sort, c'est que tu peux le regarder en HD sur ton ordinateur. Ouais, mais il devrait pas y avoir un pop-up ou quelque chose comme ça, mettons, qui pourrait lire que t'en as pas. Ou que genre deux de tes trois appareils sont... Oui, exact, ouais. C'est ça. T'sais, pour au moins que tu le saches, puis si tu veux continuer, ben tu le prends en HD puis tu l'écoutes où tu veux en HD, mais sinon... Tu payes une pièce de plus, là. Si, mettons, t'as. C'est par émission, en plus, là. Oui, par épisode. Si mettons, t'as environ 20 épisodes, là. Ça fait déjà 20$, hein? Exactement. Et c'est vraiment pas... C'est, je sais que c'est peut-être pas voulu de la part d'Apple. Peut-être qu'ils ont juste pas pensé à cette option-là. En même ouais, temps, probablement pas, mais en même temps... C'est un peu croche. Tu sais, mettons, moi, j'ai téléchargé... je suis abonné à des podcasts, des balados diffusion. J'ai téléchargé toutes les versions HD pour les mettre sur mon iPod classique jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, je pouvais pas. T'as déjà pris de la bande passante. Ben, ça n'a rien ça. Coûté, mais imagine si t'avais payé une pièce de plus par épisode. Non, j'aime ben pas. Ben non, Donc, c'est ça. C'est, on va avoir des suites dans ce dossier-là, j'imagine, plus tard. On sait qu'iTunes est capable de repérer un terminal uniquement compatible avec une définition standard, donc ce serait d'avoir au moins la possibilité d'activer cette... au moins par, moi, je dirais par défaut, elle devrait être activée. Oui. Si tu l'as désactivée, faudrait ben que oui, c'est ça, exact. Alors que le magasin d'applications mobile d'Apple souffle sa cinquième bougie, une dizaine de logiciels peuvent être téléchargés gratuitement pour une durée limitée. C'est un cadeau. Les jeux sont à l'honneur sur cette liste, en commençant par Badland, un jeu d'aventure qui se déroule dans une lugubre forêt remplie d'habitants étranges. On retrouve également le populaire Infinity Blade 2, un jeu de maniement à l'épée de Cheer Entertainment et Epic Games. Et Jetez-vous à l'eau, en anglais, Where's My Water, de Disney. Where's My Water? Where's My Water? Le jeu à saveur rétro Super Brothers Sword and Sorcery EP, développé par le studio canadien Capybara Games, et Tiny Wings. Est-ce que tu as déjà joué à... Faut que tu joues à Tiny Wings. C'est un beau petit oiseau vraiment super cute. Et tu le fais plonger sur des petites montagnes. Il faut que tu attrapes des affaires pendant qu'ils volent. Puis c'est cute puis relaxant. Ah, bon. Oui. En ce qui a trait aux outils, donc autre que les jeux, il y a Over qui permet de rajouter du texte à des photos. Tractor DJ qui est un incontournable pour les gens qui veulent composer de la musique. Et d'ailleurs, c'est une version sur iPad, la version, c'est une version complète qu'on vous donne aussi, mais à la base, ça vaut 20$. Hé, hey, quand même! Donc, moi, je dirais, allez vous les procurer le plus rapidement possible. Ben oui, allez-y tout de suite, même! Oui, c'est ça, exactement. Avant que ça finisse? Même que j'espère que ce l'est encore. Je pense que oui, l'article est très, très récent. Je suis allé télécharger la plupart, sauf ceux que je savais que j'utiliserais jamais. Mais même si vous savez que vous n'utiliserez jamais, prenez-les, ça va pas. Ben oui, c'est gratuit! C'est gratuit! Il y a aussi l'Atlas du monde et Day One, qui est une application de journal intime. Et finalement, How to Cook Everything, une affaire de recettes. 13 ans après avoir mis en place l'interdiction de vente de consoles de jeux importés dans le pays, la Chine envisagerait de lever l'embargo sous certaines conditions. Oui, les jeux vidéo sont bannis en Chine. Mais ça veut pas dire que les gens jouent pas. Il y a un marché noir assez... Ben, c'est sûr, là. Quand tu empêches les gens de faire quelque chose. Et voilà. Depuis 13 ans, les consoles de Nintendo, Sony et Microsoft sont officiellement interdites sur le territoire de la Chine. Le pays avait décidé de bloquer l'importation et la vente de ces produits, jugeant les risques sur la santé mentale des jeunes trop importants. Selon les documents gouvernementaux récupérés par des sources du site South China Morning Post, l'État serait sur le point de changer son fusil d'épaule et de lever l'interdiction sous certaines conditions. Si elle lève l'interdiction, la Chine se réservera malgré tout le droit d'interdire au cas par cas certains jeux. Donc, les éditeurs vont devoir avoir l'approbation du ministre de la Culture et d'autres organismes gouvernementaux pour les publier. Autre condition, celle que les consoles vendues en Chine soient fabriquées dans la zone libre-échange de Shanghai qui pourrait être établie d'ici la fin de l'année. On peut également souligner donc le marché noir. Et moi, j'ai lu un article sur les jeux vidéo en Chine où les compagnies contournaient un peu le problème en créant des manettes avec des jeux dedans. La console était dans la manette. Nintendo avait sorti la IQ qui était une grosse manette avec des jeux de Nintendo 64. Tu branches ça dans la TV. Puis, c'est cool. Il aurait dû sortir ça ici. Ben oui. Des USB ou des cartes SD. C'est clair, là. Mais premièrement, il devrait s'arranger pour que la 3DS se branche à la TV. Ouais. On le faisait dans le temps. On jouait au jeu de Game Boy avec, sur la GameCube avec un petit appareil que tu mettais en dessous de la GameCube. Tu jouais au jeu de Game Boy sur la TV. Oh. Comment ça fait que ça n'existe plus de nos jours? Je comprends pas. Mais Kickstarter! Exactement. C'est toujours la réponse à tout. Kickstarter. Oui. Les joueurs professionnels, les joueurs de jeux vidéo seraient considérés comme des professionnels aux États-Unis. Donc, le sport électronique gagne en notoriété et en professionnalisme. Néanmoins, c'est un pas de géant qui a été franchi récemment puisque les États-Unis viennent de reconnaître les joueurs de League of Legends comme athlètes professionnels. Certains pourront désormais recevoir des visas pour s'entraîner directement aux États-Unis. Il s'agit d'un gros avantage pour les équipes américaines qui pourraient en profiter dès le lancement de la saison 3 de League of Legends The World Championship Series le 4 octobre prochain. Tu sais? C'est tellement physique, hein? Oui, ben, mes pouces sont particulièrement musclés. Hein. C'est sûr que je te montre ça un jour. Ouais, hein? Hey, on préfère une bataille de pouces? C'est pas de ça que je parlais, mais OK. Ah! On l'avait pratiqué avant l'émission. Steam, maintenant, les soldes d'été de Steam sont lancés. Steam est une place où on peut jouer, télécharger, acheter des jeux vidéo en ligne. Donc, tu payes le montant. Et puis, t'as un logiciel Steam sur ton ordinateur et puis tu peux jouer avec d'autres gens. C'est extrêmement populaire sur Internet. Donc, les seuls festivals sont commencés. Allez voir sur steampowered.com. Ça a commencé plus tôt cette semaine. Et puis, petit tour d'horizon disponible sur l'article sur assemblagerequis.com. J'irai pas dans le détail. Mais il y a entre autres des offres du jour, des offres plus rapides dans le temps et des choix à la communauté, donc élus par vote au public. Les offres sont modifiées toutes les 8 heures et sont parmi les plus intéressantes en termes de prix et d'intérêt. Donc, allez voir sur steampowered.com. Il y a de vraiment très, très bons jeux. La série complète des Sonic. Il y a comme 15 jeux là-dedans pour 30$. Aïe, c'est vraiment pas cher. Ça vaut la peine. Et tu branches ta souris, ta manette USB, oui, Microsoft, oui. Genre, tu joues à ça. Excitant à mort. J'aime bien ça. Un robot qui écrit comme une ado utilisé pour traquer les prédateurs sur Internet. Hein, c'est intriguant, ça. Dis-moi en plus. Oui. Un nouveau procédé pour détecter les prédateurs sexuels sur la toile. Des policiers espagnols, en collaboration avec des scientifiques, ont mis en service un robot capable de dénicher sur Internet de potentiels pédophiles. N'importe qui pourrait s'y méprendre. Ce logiciel reproduit parfaitement la façon de parler d'une jeune fille de 14 ans, donc faute d'orthographe, abréviation, sujet de conversation. Ce logiciel est sophistiqué à tous les attributs d'une adolescente normale. Ce système nommé NegoBot se balade dans les forums de discussion fréquemment visités pour repérer de potentiels prédateurs. Passive lorsqu'elle s'introduit sur un chat. Elle déploie une véritable tactique quand la conversation devient plus intime, si bien qu'un pédophile tombe dans le panneau. Le logiciel informatique tente ensuite de soutirer le maximum d'informations personnelles concernant son interlocuteur. Les scientifiques ont en effet utilisé un système mathématique afin de rendre le comportement du robot plus convaincant. Ça a été adopté par la police basque. L'idée de se servir de l'intelligence artificielle pour appâter ce genre de criminel n'est pas neuve, mais ce nouveau robot a quelque chose en plus, c'est-à-dire une personnalité. Elle a encore des failles. Par contre, il est capable de mener une conversation, mais ne peut pas suivre une conversation sur plusieurs jours. Donc. Oh. Si, mettons, il y avait une conversation avec quelqu'un, il ne pourrait pas le lendemain se rappeler. Ça. Rappeler. C'est logique. Mais déjà là, c'est quand même c'est un bon pas. Hein? C'est vraiment le fun et ça va créer des émissions de TV comme on a vu à TVA, à JE, là, où ils peignent des pédophiles sur Internet. C'est bien à la mode, ça, ces émissions-là. Mais bon, je suis Chris Hansen. Asseyez-vous, mes caméras s'en viennent. Tiens, ça c'est vraiment intéressant. Garmin a annoncé le lancement d'un produit qui s'appelle HUD, permettant de doter n'importe quelle voiture d'un affichage, un peu comme dans les jeux vidéo, comme à Mario Kart. C'est des informations sur la vitre. Wow. C'est le fun. Heads-up display qui se fixe derrière le volant. Il projette des instructions dans le champ de vision du conducteur sur le pare-brise au moyen d'un film spécifique ou à défaut sur un miroir translucide fourni. Ces informations proviennent obligatoirement d'une de ces applications maison pour smartphone. En plus du HUD, il faut donc disposer d'un smartphone et d'un support, mais le chargeur livré dispose de deux ports USB. Ça communique via Bluetooth à une application Android, iOS ou Windows Phone. Et puis, ça dit que c'était disponible seulement sur des véhicules très, très haut de gamme, ce genre de technologie-là. Et maintenant, donc, ça pourrait arriver sur un marché un petit peu plus moyen de gamme. Donc, il va falloir payer 130$ américains pour l'appareil, en plus de l'application pour le smartphone, qui des fois va coûter 50-60$. Donc, mais quand même, pour avoir un affichage... Ouais, c'est pas si peu que ça. Je m'attendais à beaucoup plus. Hein. C'est vraiment le fun. Ça pourrait peut-être te dire, tu sais, par rapport au GPS, peut-être genre à combien tu serais supposé aller, ouais. À combien tu vas, donc le pourcentage de dépassement. Ouais, intéressant. Très, très bonne idée. Donc voilà pour les nouvelles. Allons-y avec un petit survol d'Internet dans cette chronique CNX. C'est notre wow! What? Web! Wow! What? What? On aime ça. Donc commençons avec, des face mashups. C'est un utilisateur sur YouTube qui s'appelle Chase qui crée de courtes vidéos où les vedettes échangent leurs figures. Donc on prend un vidéoclip de, disons, Will Ferrell et on met la face de Natalie Portman dessus. Oh boy! Qui parle. Dans le fond, ça va être un petit peu bizarre à imaginer sans aller voir sur assemblagerequis.com le lien. Il y a aussi Jack Nicholson et Tom Cruise mélangés. Genre la face de l'un est sur la face de l'autre, mais c'est la voix de l'un et de l'autre. Ça doit être vraiment drôle. C'est très, très drôle. Il fait exprès de prendre des plans où la face est devant, parce que ça a l'air bizarre de côté, là, mais devant, pour pouvoir faire son mélange. Je sais pas, il y a du talent. Il y a du talent. Ensuite de ça, un camp de désintoxication pour les adultes qui sont accros à la technologie. La plupart des gens sont accros à la technologie de nos jours, ont tout le temps notre téléphone cellulaire dans les mains. Ben oui. Donc, Digital Detox qui offre un camp pour adultes, ça s'appelle le camp Grounded. C'est un camp de 3 jours où on n'a pas le droit d'utiliser aucun gadget. Il y a des activités de camp, là, par exemple, être autour du feu, faire des guimauves, mettons, chanter des chansons, attraper le drapeau, jouer à la tag, tirer à l'arc. Ouais, $350 par personne pour une fin de semaine. C'est lieu au mois de juin. Puis il pense que ça va être guéri après 3 jours. Tu vas juste revenir rafraîchi ben oui. à ton iPhone. Ben oui, après ça, tu seras plus content. Tu vas dire, ah, mon iPhone, tout de suite, tout de suite. Mon gentil iPhone, mon précieux. Je ferai plus ça. Je te laisserai plus tomber. Il y a un nouveau restaurant. Tu sais, quand on n'aime pas manger seul au restaurant. Mais non. Personne n'aime ça. Hein? T'as l'air loser, tout le monde mange en gang, toi, tu manges tout seul. Donc, si vous êtes inconfortable de manger seul, il y a un restaurant, un pop-up restaurant, donc c'est un restaurant qui est arrivé juste pour deux jours, je crois, qui était là pour pouvoir permettre à tout le monde de manger seul. Mais tout seul, tu sais, à leur propre table. Donc, chaque table était juste pour une personne. Yeah. C'est une designer sociale, Marina Van Gore, qui a créé ce restaurant qui s'appelle Inmal, E-N-M-A-L. Donc, c'est un pop-up restaurant qui a eu lieu à Amsterdam. Et puis, c'est le premier restaurant donc, à servir seulement des groupes d'une personne, mais des personnes. Une personne, un individu. Un individu. Inmal qui a été ouvert pendant exactement ces 2 jours, chercher le nombre de jours. Allez voir les photos, c'est très, très le fun de voir juste c'est une petite C'est vraiment tag. Drôle, hein? la fille qui regarde le mur, là. Oui, elle regarde le logo. L'autre, elle regarde la caméra. C'est quasiment triste, pareil, hein? Oui, quand tu regardes ça comme ça. Mais quand t'es là, ça doit être pas si pire, là, parce que tout le monde est comme ça. Mais quand tu regardes la photo... Tu sens mal pour eux autres. Ouais, exactement. Comme quand tu vois quelqu'un tout seul au restaurant. Tu le pointes, puis tu fais « ha ha ». Non. Tiens, parlant de gens qui sont renfermés sur eux-mêmes, le blog weneverlookup.tumblr.com nous offre des photos en noir et blanc, ok, c'est de préciser que c'est toujours en noir et blanc, de gens qui regardent leur téléphone et qui sont supposés être en couple ou en gang. C'est clairement 2 personnes qui sont ensemble dans l'autobus, mettons, ouais. Mais qui sont tous les deux sur leur téléphone cellulaire. Oh. Les couples, il y a un couple qui est, mettons, à l'aéroport avec leur sac et tout ça, et puis ils sont sur leur iPad ou MacBook. Oh. C'est un blog qui fait juste ça, pas tous les jours, mais fréquemment, pas une photo. Il faudrait les envoyer dans le camp, là, comme ça. Grounded, exactement. Ouais. Ensuite, simulateur de robot aspirateur. Tu connais le Roomba, qui est le petit robot qui va passer l'aspirateur chez toi? Oui! Donc, le Robot Vacuum Simulator 2013 existe. C'est un jeu qui a gagné... ça a gagné un prix nominé par sa propre compagnie. Oh non! Fabriqué par Stolidus Simulations. Le Robot Vacuum Simulator 2013 vous met dans le rôle de ce robot aspirateur. Il faut ramasser des boules de poils. Il y a un mode multijoueur. Je sais pas qu'est-ce que tu fais de plus. Non, je sais pas, hein? C'est gratuit. Il y a une version Mac et Windows. Vous allez voir la vidéo sur YouTube dans l'article sur assemblagerequis.com. Étrange. L'Atari 2600, c'est une console de jeux vidéo des années, c'était quoi, 80, début 80, 70, en tout cas, bref, qui avait des graphiques très primitifs, mais qui ont leur fan, ces graphiques-là, je trouve ça très, très joli. Donc, Atari 2600, dans le vrai monde, c'est un artiste qui s'appelle, Carlos Perez, pour sa série Atari World. Il a pris des dessins des jeux d'Atari 2600 et les a mis dans la nature. Donc, par exemple, un petit bonhomme qui pêchait dans un des jeux devient un petit bonhomme qui pêche dans la forêt. C'est vraiment beau, là. Ça ferait des beaux posters. Oui, c'est écœurant, là, le mélange des deux, là. Le rétro et le récent. C'est wow. La nature est récente pas mal tout le temps. Ben oui, hein, en effet. La nature rétro, moi, je suis tellement le gazon qui a l'air vieux. Donc voilà, allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Il y a aussi des jeux modernes comme Street Fighter et Legend of Zelda, recréés en tant que dessin animé des années 30, je sais pas trop quoi, dans le temps que c'était en noir et blanc. Mais je suis pas très bon en histoire et en décennie. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc, le look distinct et vintage des vieux dessins animés de Disney comme Steamboat Willie, le premier avec Mickey Mouse. Donc, c'est par la compagnie de jeux indie Red Little House. Ils ont refait ces dessins-là rétro. C'est cute aussi. Oui. Très cute. C'est très cute. Ouais. Des personnages de science-fiction en version 8-bit, un peu dans le même genre. Pixel Icons qui crée des dessins 8-bit basés sur des icônes de la pop culture. Regardes les petites vidéos sur Vine, que j'ai posté sur assemblagerequis.com, c'est Hunter Harrison qui a utilisé Vine. Ça, c'est le petit chose de... Ça ressemble un peu à des gifs animés. En fait, c'est 6 secondes à la fois de vidéo qui va jouer en boucle tout le temps. OK, c'est oui. C'est fait oui, par oui, Twitter. Oui. C'est vraiment cool. Donc, il a pris la nourriture qu'il avait dans son garde-manger pour recréer des tableaux de Mario Bros. Mmh. Avec de la bouffe. Donc, Mario est joué par genre un jujube ou une affaire aux fruits. Malade! Il rattrape des scènes qui est joué par des Golden Grams. Oh! Des Cheez-It ou je sais pas trop quoi. C'est super le fun. Il a fait 3 vidéos jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez aller voir ça sur assemblagerequis.com, t'as le tableau 1. T'as la fin du tableau 1 qui Mario saute sur le drapeau. T'as fait des feux d'artifice avec du maïs ou je sais pas trop quoi. Et un tableau d'eau qui est encore plus cool dans l'eau. C'est, c'est vraiment hot, là. J'adore. Oui. Il y a une fille qui a fait ses propres prothèses de jambes. Il lui manque le bout d'une jambe. Là. Et elle a fait ça en Lego. Il y a une vidéo sur le site aussi, une vidéo timelapse d'une YouTubeuse, Amputee OT, qui se fait une jambe à partir de Lego. Tu sais, on n'aime pas ça piler sur des Lego, mais elle utilise les Lego pour piler sur d'autres choses. Ah, mais ça fait beau! Très beau! Oui, c'est pas fashion! Fashion! Les Lego, ça n'arrêtera jamais d'être à la mode de toute façon. En bref, on va faire le tour rapidement. Il y en a un qui c'est une vidéo de parcours. C'est un gars qui saute partout dans la ville, qui saute de bâtisse en bâtisse, là, du parcours qu'on appelle du freestyle, oui, free jumping. Ouais, ouais, ouais. À la première personne, donc avec une caméra sur sa tête, GoPro. Oui. Qui saute là-dessus. La vidéo est sur le site. Une version plus geek de jouer au tic-tac-toe. C'est tu joues au tic-tac-toe et dépendant de l'autre personne où il met son X ou son O, tu dois diviser, dans le fond, tu dois dessiner 9 cases de tic-tac-toe, 9 tic-tac-toe indépendamment. OK. Ça en fait comme 3-3-3 séparés par ça fait un grand tic-tac-toe de chacun un tic-tac-toe dans chaque case. Okay? C'est super compliqué, là, mais je vous ai mis le lien sur le site. Là. Ouais, je pense que ça va être plus facile à aller voir. C'est très là, visuel. T'expliques bien, là, mais. Ouais, moyennement. C'est très, très, très visuel. Moyennement. Ça, c'est super vieux, là, ça commence à faire genre un mois, mais je voulais en parler. C'est un blog d'une personne qui fait exploser la tête des actrices dans des films. Donc, mettons, je sais pas c'est quoi celle-là, c'est dans Titanic, entre autres. Donc, il prend un extrait du film, okay, et fait exploser la tête d'une actrice du film. Oh. Et laisse dans la vidéo, c'est comme des gifs animés, genre. Mais là! Donc, elle a plus de tête quand tu regardes. C'est super à la fin de voir Kate Winslet exploser. Mais là! Ah, t'es pas fin! T'es pas très fin. Ouais, je pense que ça va devoir faire pour cette édition de CNX et il va nous rester à peine assez de temps pour faire cet effet jeu vidéo edition. Donc, qu'est-ce que tu en penses si on y va? Allons-y tout de suite. Ouais. C'est un fait. Attention. Oh, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Oh, oh. Oh. C'est un fait. Take edition. Ici. Là. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. C'est ça qui arrive quand tu mets pas de chansons entre deux chroniques parce que t'as pas le temps, finalement. Uh-oh. Donc, c'est un fait, Tech Edition. C'est évidemment comme c'est un fait, si on compare l'affaire technologique. Ben, allons-y. J'avoue que c'est compliqué à comprendre, mais je vous fais confiance. Donc, commençons avec Microsoft, qui est une des plus grosses compagnies du monde à collectionner de l'art. Elle collectionne des peintures. Ils ont au-dessus de 5000 pièces contemporaines, de peintures contemporaines. Je ne savais pas qu'ils collectionnaient ça. C'est le fun que quelqu'un collectionne ces choses-là encore aujourd'hui. Ben oui. Ensuite de ça... Hop, tape. OK. L'Alaska est le seul État qu'on peut taper son nom sur une seule rangée du clavier. Sur le clavier QWERTY, si tu tapes Alaska, A-L-A-S-K-A. A-L-A-S-K-A. Tout sur la rangée du milieu du clavier. Hey, cool. Belle découverte. Je ma vie est changée. Ah oui. Dorénavant. Hey. ce qu'on appelle un Gulfstream 2 Jet. Donc, c'est un jet, OK, qui a été vendu sur eBay pour 4,9 millions de dollars en 2001. C'est ce qui est le record pour le plus haut prix de vente sur eBay. Hey. 4,9 millions. Il n'y a jamais eu rien de plus cher sur eBay. Je comprends. Ensuite, la pièce où on construit les chips semi-conductrices, les semi-conducteurs pour les ordinateurs. Donc, il y a une pièce qui est propre, ce qu'on appelle une clean room, dans une usine. Donc, c'est 1000 fois plus propre qu'une chambre d'hôpital typique. Et tabarouette! L'endroit où on fait les chips. Crime! Ils sont capables de mettre ça 1000 fois plus propre qu'une chambre d'hôpital. Je sais pas comment ils font pour compter ça. Hey, je sais pas, là, mais... C'est impressionnant. Oui. Depuis 2008, les jeux vidéo vendent plus que les DVD. Depuis 2008. Hmm. Plus d'argent fait par le domaine des jeux vidéo que les DVD. Eh ben. Le premier article, il faut dire en français, à avoir été vendu sur eBay. C'était quoi, tu penses? Bonne question! Genre, Jésus sur une toast? Non, non, je crois pas que c'était non, ça. Peut-être pas. La mode a commencé plus récemment. Non, en fait, c'était un pointeur laser brisé. Ben non. Ouais, il marchait même pas. Le premier article qui a été vendu sur eBay, un pointeur laser. C'est quoi, le gars, il s'est dit, tiens, mon pointeur laser, il marche plus, fait que je vais aller le vendre sur eBay. Tu viens d'inventer eBay, tu vas pas vendre quelque chose qui vaut la peine d'être vendu. Aïe, aïe. C'est mon chat qui aimerait pas ça, comme plutôt. Ensuite, plus de 62 millions d'utilisateurs aiment la page officielle de Facebook sur Facebook. Parce que oui, tu peux être fan de Facebook sur Facebook. Ah, oh, mon Dieu. Les gens ont du temps à perdre. Eh boy. Créer ces pages-là. L'inauguration de Bill Clinton en janvier 1997 était le premier webcast. Donc, c'était la première inauguration à avoir été diffusée en direct sur Internet. C'était pas le premier webcast en général, mais la première inauguration à avoir été webcast, si on veut. Ensuite, plus en termes de jeux vidéo, maintenant, toujours dans cette fête Tech Edition, les Kremlings dans les jeux de Donkey Kong Country. À l'origine, ça n'avait rien à voir avec Donkey Kong Country, la série de jeux vidéo, et c'était supposé être dans un autre jeu. La compagnie Rareware, qui a créé Donkey Kong Country, les a réutilisés pour décasser. Et parce qu'ils trouvaient que ça fitait bien dans l'environnement du jeu, mais les Kremlings ne viennent pas à la base de Donkey Kong. Oh boy! Intéressant. Les Star Bits dans Super Mario Galaxy. Tu sais, dans Mario Galaxy, tu attrapes des genres de petites étoiles. Oui! Super cute. Oui, ils sont super cute. Et aussi les Gratitude Crystals dans Skyward Sword, un jeu de Zelda. Donc, les deux ont le même genre de petites étoiles. Et ça, c'est basé sur un bonbon populaire au Japon. Ça s'appelle les Konpeito. Oh! Soudainement, j'en veux. Ben là, on va aller voir sur eBay. Oh! Tu vois, c'est ça qui aurait dû voir dans le premier bonbon. Ben oui, voilà. La version originale sur Xbox de Tomb Raider Legend n'a pas de cutscene d'ouverture, donc une cinématique, un petit vidéo d'introduction, d'ouverture, parce que les développeurs avaient oublié de mettre la vidéo dans la version finale du jeu. Ben voyons donc! Il était trop tard, donc ils l'avaient déjà envoyé. Quelqu'un a vérifié, si lui, il manquait pas rien, là, ils se sont dit, ils ont pas vu qu'il y avait pas l'intro, là. Je blâmerais les testeurs de ce jeu-là, c'est non, certain. Non, voyons donc. Peut-être qu'ils voulaient le faire à la dernière seconde, mais quelqu'un s'est trompé, ce jeu. toujours dans le domaine de Tomb Raider, la compagnie qui a créé Tomb Raider voulait à l'origine inclure un cheat qui rendait Lara Croft, la personnage principale, toute nue. Mais l'artiste qui a créé Lara, son modèle dans le jeu, a refusé de rendre ça possible parce qu'il voyait qu'elle était une figure, une héroïne trop importante, trop forte pour être vue nue dans le jeu. Pourtant, si on se rappelle, dans un précédent, c'est un fait, j'avais dit que le fait que ses seins étaient trop gros, c'était une erreur à la base, il avait mis son pourcentage de poitrine trop gros. Finalement, ils ont dit, on va le garder, c'est plus beau. Ouais. Et d'un côté, ça, tu veux pas qu'elle soit toute nue, mais tu veux qu'elle ait des gros seins. Ouais. Donc, les gens. C'est bien un gars, hein? C'est bien un gars. Ah, ben. On s'assume. Ouais. Sega a rejeté d'autres formats de disques lorsqu'ils créaient la console Dreamcast. Ils ont choisi leur propre format de disque, le GD-ROM, pour empêcher les pirates. Ironiquement, la Dreamcast est devenue une des consoles les plus faciles à pirater. Eh ben. Le pirater les jeux, c'est pas bon. Les Bowser. Tu sais, les monstres de fin dans Mario. Oui, les gros monstres. Gros dinosaures dragons. Mm-hmm. Dans les châteaux des mondes 1 à 7 dans la version originale de Super Mario Brothers, sont en fait juste des ennemis communs comme des Goombas ou des Koopas, mais déguisés en Bowser. Et tu peux révéler ça en leur tirant des boules de feu dessus. Hein? C'est ça, des boules de feu sur Bowser dans chaque monstre à la fin. Tu vois en noir et blanc le Goomba qui descend. Mm-hmm. C'est vrai. On va l'essayer. Je vais te le montrer, c'est vraiment cool. Oui. Rockstar, la compagnie derrière Grand Theft Auto, ils ont engagé un expert en relations publiques, un PR, expert, pour créer des controverses et faire couvrir dans la presse de façon négative les jeux de Grand Theft Auto. Donc, on dit que la controverse allait les aider à augmenter les ventes de jeux, un peu comme tu as dit tantôt. Oui, exact, comme j'ai dit. Hein, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Comme une grande sage a dit. Ah oui, c'est moi ça. Oui. Le personnage de Kano n'apparaissait pas en tant que joueur principal dans le jeu Mortal Kombat. Quand j'ai de la misère à dire ce nom-là. Mortal Kombat 2. Il était jouable dans l'original, mais pas dans la version numéro 2. Les développeurs ont décidé de mettre une statistique dans les menus qui disait genre nombre de transformations de Kano. Comme ça, les fans allaient penser que Kano était dans le jeu ou débarrable, mais il l'était pas. C'est un peu pas fin, je trouve. Ouais. Ils sont pas fins. Guitar Hero Aerosmith a généré plus de revenus pour Aerosmith que n'importe quel autre album, qu'ils ont fait. Ça inclut même Toys in the Attic qui s'est vendu à 8 millions de copies. Guitar Hero Aerosmith a fait plus d'argent pour Aerosmith que ça. Incroyable. L'utilisation du terme Werehog dans Sonic Unleashed n'a pas de sens parce que Were dans Werewolf, donc ça c'est un loup-garou, vient de l'ancien anglais Were qui voulait dire homme, donc un homme loup. Donc Werehog voulait dire un homme qui peut changer pour devenir un moitié homme, moitié cochon. Donc ça aurait comme pas rapport de l'appeler Werehog. Mais bon. Que voulez-vous? C'était beau, j'imagine, pour eux autres. Ouais. Jouer au Tetris après un événement traumatisant peut empêcher le développement de traumatic memories, donc des souvenirs traumatisants. Hein? Et ça va réduire la chance d'avoir des flashbacks. Donc, jouer à Tetris. Ouais? Mais voyons, comment ça, donc? Comme si on avait besoin de jouer de raison pour jouer à Tetris. Non, c'est ça, là, mais... C'est le fun. Hey. Les jeux vidéo aident beaucoup dans la vie. Oui. Le jeu Beautiful Joe, à l'origine, s'appelait Red Hot Man, mais c'était changé à cause d'un copyright avec le groupe de musique rock Red Hot Chili Peppers. Ah, oh, ben oui. Donc, à la place, c'est devenu Beautiful Joe. Il nous en reste deux pour terminer. En 2010, Google a changé sa page d'accueil pour afficher un jeu de Pac-Man. Je sais pas si tu te rappelles. Tu peux jouer avec Pac-Man pendant 48 heures. Donc, le jeu a été joué par bien des gens au travail et on dit que le nombre de travailleurs, en fait, que les travailleurs qui jouaient à Pac-Man ont fait perdre à l'économie américaine 120 millions 483 oh. 800 dollars. Oh! En moyenne. Ça valait la peine. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Et finalement, dans la version anglophone des jeux de Pokémon, il y a des personnages, des monstres qui s'appellent Hitmonlee et Hitmonchan, qui sont des références à Bruce Lee et Jackie Chan. Mais dans la version japonaise, ce sont des références à Sawamular et Ebi Wallar. Donc, ceux-là, on les connaît pas. Non, hein? Sawamular est une référence à Tadashi Sawamura, qui est un des premiers kickboxers au monde. Et Ebi Wallar vient de Hiroyuki Ebihara, qui est un champion boxeur au Japon. Donc, tu vois, quand on adapte des affaires, à la place de juste créer des nouveaux noms, comme dans Harry Potter ou je sais pas quoi, on peut faire des recherches et essayer de voir pourquoi ça s'appelle comme ça et le transformer en une référence appropriée. Un peu comme on fait avec les Simpsons au Québec. On va prendre une personnalité politique, on va l'adapter avec une personnalité politique du Québec. Très bon exemple. Voilà. Donc, c'est tout pour C'est un fait. Cette édition de C'est un fait. C'était merveilleux, hein? Oh, magnifique. Magnifique. Et c'est la fin du Mathieu Plante Show aussi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Oui! Voilà, c'est tout pour cette édition. Donc, la semaine prochaine, c'est dimanche à 16h. On rappelle, mercredi à 14h. Allez voir la programmation de C'est fou au cifou.ca. Retrouvez tous les notes de l'émission sur assemblagerequipe.com. Merci, Marie-Ève Picard. Hey, merci, Mathieu Plante. Oui, et merci à toute l'équipe fictive de l'émission. Oui, ben oui, faut pas les oublier, hein, parce qu'on va se faire ramasser. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, bonne soirée, bonne journée de demain, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se reparle. Bye-bye.